t'en douter. Après tout, t'es sa mère, mon père. Ne me parlez pas, je ne parle pas à mon fils. Toi, c'était ton chouchou, bien plus brillant que ses frères. Il faisait pas d'histoire, il était bien trop lisse. T'aurais pu t'en douter quand tu le voyais sortir et le lui demander ce que c'est que le club Mykonos. Moi, je rentrais du boulot et je le voyais partir. Ses yeux me prévenaient. Arrête de pleurer.